studio de la Radio Campus de Trois-Rivières. Voici, écoutons-la dans la chanson. Bonjour et bienvenue à Écoutons la don, la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Moi, c'est Mathieu Plante, l'animateur / méga vedette de C'est fou. Mathieu. Mathieu. Pardon? Allô, t'es là? Oui, je suis là. Je parle à qui? Ben là, voyons donc. Tu me reconnais pas? Non. Je te donne un indice. Je suis dans ta tête. Dans ma tête. Tu me parles souvent. Mais t'as pas l'impression que je suis vraiment une personne. Je suis plutôt une partie de toi. J'étais la femme en moi. Un peu, mais je suis ton subconscient. Mon subconscient. Oui. Et tu sais quoi, Mathieu? Je pense que les auditeurs ont le droit de connaître ton subconscient. Donc on t'entend à la radio en ce moment. Effectivement. Mon subconscient à la radio. Oui. Qui est dans ma tête, mais ça passe à la radio. Écoute, Mathieu, t'es tellement une méga vedette. Ben ça, je sais, mais... Que, écoute, tout le monde doit connaître les différentes facettes de Mathieu pour apprendre à te connaître davantage et t'apprécier davantage. Ça, je pense que c'est bien parti à la base. Les gens m'apprécient déjà. Ben, regarde, écoute, tu vas faire tomber les filles. les gars vont tous t'admirer. Wow. Grâce à moi. Je vais être un mode. Grâce à toi? Ah ben oui, regarde. Je suis tellement... Mais je peux te tutoyer, t'es comme ma conscience. Je peux te parler comme ça, je peux te parler en nombre, puis tu vas répondre. Effectivement. Wow, c'est vraiment ridicule. Je suis une partie de toi, je vais toujours être là pour toi. Wow. Ben, c'est pas beau, ça, hein? Me v'là vraiment réveillé. J'ai mon subconscient qui me parle et qui parle à la radio. OK. Est-ce que tu veux l'entendre, la musique, subconscient? Écoute, je te suggère aujourd'hui, on commence avec du franco. Okay. C'est Méta Gruau avec la pièce Tibia Sauvignon. OK. Ben, OK. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, mon subconscient me dit de faire quelque chose. Moi, faut c'est l'intuition, hein? Moi. Je suis impulsif demain. Écoutons-la donc. La chanson. descend du coude avec Allergie, troisième pièce de leur album Coup de foudre à pénétrer les palmarès francophones de C'est fou. Et juste avant, on avait entendu l'iceberg, on a créé un monstre. Comme le dit si bien mon subconscient à mes côtés. Oui, hein? On a créé un monstre en amenant un subconscient dans le studio. Est-ce que ton subconscient te rend monstrueux? Non, m'adoucit. Ouais, hein, moi aussi, je pense. Mm-hmm, ouais. Ça va bien avec le concept d'émission matinale, tout en douceur. On se réveille tranquillement au son de très bonne musique ici sur les ondes de C'est fou. Et de belles voix. Ben, on espère. Hein? On espère que vous trouvez ça agréable de nous écouter en ce lundi matin ou jeudi matin en reprise. Mm-hmm. Oh, faut le rappeler aux gens, ceux qui ne savent pas, on est toujours en direct les lundis matins à 10h. Et maintenant, la rediffusion, c'est le jeudi à 9h. Effectivement. Ouais. On va aller entendre un autre bloc musical. Là-dedans, il va y avoir du Gorillaz. Oui, il va aussi y avoir du Corrigan Fest, La Victoire en chantant. On commence avec The Fratellis. Voici la pièce qui est sur le palmarès de C'est fou, c'est My Friend John. Écoutons-la donc. La chanson. If you were a ship, yes. What ship would you be? Elle est à nous maintenant, elle est à nous.

Gorillaz et 68 States de leur album Decides. Et on avait entendu aussi une pièce de Corrigan Fest, La Victoire en chantant, ainsi que de Fratellis avec My Friend John. Tout à fait, ça c'est un très bon bloc. Hein? Oui, ça, ça réveille un peu plus. Hein? Oui, on a commencé relax, mais on a rentré un petit peu plus dedans, mais après on a redescendu. C'est une vraie, un vrai manège. Plus encore relax un peu? Oui, un peu, oui. Un peu, hein? Un peu, mais pas tant, quand même. Parce qu'on va passer deux formations que j'ai vues en spectacle au Charlot. Ils étaient vendredi dernier au bar Le Charlot, au centre-ville. C'est Alex Champigny et le Husky qui ont joué. Il y a pas mal le même nombre de pièces. Là. Pourtant, c'était un show du Husky, mais bon, que voulez-vous? On va commencer avec une pièce d'Alexandre Champigny qui s'appelle « Montagne d'entrain ». Tu connais? Oui, bien sûr. Ensuite, on va écouter quoi? Le Husky, avec une pièce qui s'appelle « David Bowie ». Ah, ça marche. Et puis, on va finir avec du Gatineau. Est-ce que tu connais Gatineau? Pas vraiment. Pas vraiment. Tu vas découvrir ça. Parfait. Je t'en fais entendre dans ma tête. C'est supposé connaître ça, vu que c'est dans ma tête. Ben, mais... c'est ça, hein? Ben, ça arrive, puis je suis un peu endormi. Tu dors? Ouais. Ouais. Je suis plate un peu. Montagne d'entrain ce matin, une épreuve à travers les débris. S'amuser à travailler pour les esclaves, en pensant être une unité spéciale. Parfois un soupir de soulagement, un effet mauvais, une mauvaise route. Je dégage de mes mains le diable qui jale le malheur sur la faute. Un monsieur qui court et qui veut passer, il s'échappe de son lit, son confort. La prime qui viendra sans tarder, l'argent au loin, le trésor. Son avenir sur la ligne du destin. Un monsieur qui court et qui veut passer, il s'échappe de son lit, son confort. La prime qui viendra sans tarder. J'ai dit le mot que tu m'avais envoyé. Ça m'a remonté. Montagne d'entrain ce matin. Un voleur qui vient s'en frapper. Il faut lever les poings, les mains en l'air, la rusée. Comme un vrai paysage d'enthousiasme, le vol est fini, les regrets aussi. Retourner atterrir à sa place, comme l'avion qui devient un taxi. Un monsieur qui court et qui veut passer, il s'échappe de son lit, son confort. La prime qui viendra sans tarder, l'argent au loin, le trésor. Son avenir sur la ligne du destin. Un monsieur qui court et qui veut passer, j'appuie son lit, son confort. La prime qui viendra sans tarder. J'ai dit le mot que tu m'avais envoyé. Ça m'a remonté. Thank you.

j'ai le dread dans la famille, comme arrière-grand-père. Quand je pense jouer du mon père, c'est sur le portail. Je perds un pourcentage du public avec mes parents salaires. C'est pas grave, je rappe pas juste pour faire applaudir. En m'entendant dans Michael Jackson, il reste encore plus pour lire. J'en prends des voix que l'on aime mieux pour franchir. Dans une voix de coupe de vieux tabou de même ça brûle. J'ai le temps d'en Gatineau, avec ton adorable chanson, avec une pièce qui s'appelle Chanteur masqué, c'est sur le palmarès francophone en ce moment même. Et on avait entendu juste avant le Husky avec une pièce qui s'intitule comment, cher Mathieu? David Bowie. Ah oui, David Bowie. Et Bowie. Juste avant, Alexandre Champigny, que tu as vu en spectacle justement avec le Husky. Oui, oui, c'est ça, ils étaient en spectacle les deux ensemble. En fait, c'est un spectacle du Husky avec ses amis musiciens. Et un de ses amis musiciens, ben, c'était justement Alex Champigny qui a décidé de faire un petit set au début de 4 ou 5 pièces. Ça tombe-tu pas bien, hein? Et c'était excellent. Oui, ben oui, c'est très, très bon. Ouais. J'ai fait une bonne sélection dans ta tête pour t'influencer à écouter ce genre de musique. Tout à fait. Maintenant, tu vas peut-être arrêter de dormir quand j'écoute de la musique. Oui. À un moment donné. Non, mais tu vois, c'est que je ne peux pas non plus toujours être allumé, toujours être... Je pensais que subconscient, c'était comme présent perpétuellement. Ah, mais comme un subconscient peut prendre des pauses aussi. C'est un travail très, très difficile. Un subconscient peut être inconscient. Non, pas inconscient, juste c'est comme si tu me mettais sur mute. Donc, moi, pendant ce temps-là, je relaxe. Ouais, c'est bien d'arrêter de penser aussi, des fois. Ben, des fois, hein, sinon, ça devient vraiment stressant, puis on s'est pas donné de la tête, donc ça fait du bien, tu poses bien mérité avec une musique aussi relaxante que ça en arrière-plan. Ça, c'est ce qui joue dans mon cerveau, ça, en passant, pour vous dire, tu sais. Parce que vous êtes à l'intérieur d'Écoutons la dernière chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité à moi, Mathieu Plante, animateur, /. Méga vedette. C'est fou. Et j'ai de la musique calme qui joue en arrière-plan dans mon cerveau tout le temps. Et puis, j'ai mon subconscient avec moi maintenant en onde dans votre radio. Dans votre radio, le subconscient de Mathieu qui vous fait passer de la très bonne musique influencée par ses choix subconscients... Talisés. Ouais. Subconscientalisés. Mon subconscient parle aussi bien que moi. Oui. Dans le fond, ben, regarde, tu vois, ça va très bien ensemble. Je suis ton subconscient, donc je t'invente des mots et tu les dis. Tout à fait. Et en plus, mon subconscient choisit de la bonne musique pour moi. Et puis là, ben, on s'en va entendre un blouk. Un blouk? Ben, c'est comme ça qu'elle appelle ça. Est-ce qu'on commence avec Tricot Machine? Oui. Ah, oh, excellent. Avec une histoire de mitaine. Oui. T'sais, c'est de mal. Sur les ondes de Sifu, 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. J'avais un trou dans le pouce et j'étais carottée. Je me suis retrouvée dans ce lodge, la gratte venait de passer. Tu comptais sur 5 doigts et tu étais gaucher. Tu es tombée d'une poche sur le trottoir glacé. J'ai failli me noyer, pour te faire écraser. Mais des passants dévoués nous ont accrochés. Moi sur un parcomètre, expiré mais quand même. Pour toi, souffle. Sur un pic de clôture. C'est juste une petite rengaine, plus ou moins réussie. Une histoire de mitaine, plutôt mal assortie. Une histoire comme je les aime, toutes les filachées. Avec un happy end qui vient tout rattraper.

Geneviève et Mathieu avec Elle Noranda, l'album Rouge Gorge. Écoutons là-dedans la chanson. C'est très, très bon, ça. J'adore ça. Oui, c'est spécial, hein, comme style. C'est comme très, très rauque et grave. Oui, en même temps, très aigu de l'autre côté. Oui. Mais je trouve que ça fait un très, très bon mix. Je trouve que c'est très agréable à écouter. C'est relax, en même temps, s'entraînant un peu. Donc, oui, et ça enchaîne très bien avec Trico Machine qu'on a entendu justement avec la pièce Une histoire de mi-temps. Oui, quelle belle, jolie chanson. Oh, c'était de la musique de coupe, ça. Oui. Ah, c'est vraiment, vraiment très, très cute. Effectivement. Ah, c'est la fin de la première heure d'écoutons dans la chanson. Donc, mon subconscient et moi, on va retrouver de l'autre côté des nouvelles de Radio Canada. Hein? Oui, oui, on vous retrouve de l'autre côté avec plus d'anglo pour cette deuxième heure. Parce qu'on vous a fait quand même jouer beaucoup de franco dans la première, donc on espère que vous avez apprécié cette heure presque entièrement francophone. Oui, affirmez votre patriotisme québécois. Genre. On termine avec de l'anglo, par contre, on va aller entendre un remix de Dead From Above 1979, ça vient de leur album Remixes and B-Sides. Voici Black History Month, Alan Breaks and Fred Falk Remix. Écoutons-la donc. La chanson. Oui. Architects and dilettantes, a nice place for midwives and crossing guards, and on and on. Do you remember a time when this pool was a great place for water wings and cannonballs, a nice place for astrologists and blow-up dolls, and on and on and on. Architects and dilettantes, a nice place for midwives and crossing guards, and on and on. Do you remember a time when this pool was a great place for water wings and cannonballs, a nice place for astrologists and blow-up dolls, and on and on and on. Children, your mother and father. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, voici la deuxième heure. D'écoutons donc, écoutons. Écoutons dedans, dedans, là, dedans, dedans. Chanson. Écoutons là-dedans la chanson. Sur une note plus claire. Écoutons la don. La chanson. Ah, là, c'est bien dit. Ouais. J'ai eu la conscience fourchue pendant un instant. Elle peut pas être parfaite, ma conscience. Ben non. Quand même. Toi non plus, hein? Rarement. Très rarement. On s'aide un peu quand même. Ouais, ben tu vois, on fait une belle équipe, je trouve. Oui. Ouais. Oui. On se complète? Ouais. Ouais. Dans le fond, on est... Ben, on fait partie de la même personne. C'est ça. On ne fait qu'un. Tu ne fais que vivre dans moi, dans mon cerveau. Attends, wow, ça croche, attends une minute. Bon, donc, deuxième heure de l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Je m'appelle Mathieu Plante, animateur barre oblique. Méga vedette de Cifou 89.1 FM. La radio complète de Trois-Rivières, ouais. Oui. J'anime le poste d'écoute et les palmarès Cifou, c'est ce qui fait de moi un animateur barre oblique méga vedette. c'est juste ça qu'il faut. T'sais. Et aujourd'hui, Mathieu m'a introduite à cette... émission qui vous permet d'entrer dans son intimité. Je vous rappelle, je suis sa conscience. Oui. Son subconscient qui lui permet de faire des choix musicaux éclairés. Mm-hmm. Donc, de vous aider dans votre cheminement spirituel musical. Ouais, c'est bon ça, j'aime ça. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'est comme, on vous permet d'entrer dans la bulle qui est d'apprentissage, la bulle d'apprentissage qui est mon cerveau. Bien sûr. Ça n'a aucun sens, mais on aime ça pareil. Donc, on commence cette deuxième heure avec un bloc de palmarès anglophone. Oui, je crois qu'on commence avec The Steals, si je ne me trompe pas. Oui, on va commencer avec The Steals et ensuite, il va y avoir The Creepshow. Et puis, on va terminer ça avec Elliot Broad et Write It All Down For You. Mais tout de suite, c'est The Steals. Et Snake Charming The Masses. Écoutons la don. La chanson. Écoutons la don, la don, don, la... De. Sur Cifou 89.1 FM. Lots of love. point of no return. Souls are taken to the ground as it burns. Airwaves call out into the night. Live through the sounds. We can't see an ending in sight. Elliot Brody, Write It All Down For You de son album Mountain Meadows. Et juste avant, on a entendu The Creep Show avec Rue Morgue Radio et The Stills avec Snake Charming the Masses. C'est un bloc de palmarès anglophone ici à C'est Fou et je vous rappelle que vous pouvez entendre les palmarès au complet avec Mathieu Plante. Toi-même. Les vendredis soirs à partir de 17h. Oui, toujours. Vrai. Et tant qu'à faire des plugs, on pourrait aussi plugger les émissions de mon ami et collègue Kiwan, qui anime l'émission Respecte les dauphins les jeudis à 16h et la dernière porte à gauche les vendredis soirs à partir de 20h. Et puis, il co-anime les palmarès avec moi. Donc, on est de même, tu sais. Ouais, de même, c'est un signe qu'on voit très bien à la radio. Un signe de doigts croisés. Okay. Chummy, tu sais. Ouais, je comprends. Dude, bro. Dude. On s'en va tout de suite à un autre bloc musical. Hein? C'est ce qu'on fait, nous, ici. Mm-hmm. Il va y avoir Myths of the Near Future, l'album de Klaxons. On va entendre la pièce Golden Scans. Ça me va, ensuite. Mm-hmm. On va entendre les Yeyeyas avec Gold Lion. On commence avec une formation qui s'appelle Colette. Colette. C'était dans le palmarès dans le bon vieux temps. Oui, ça fait quelques mois déjà. Vraiment? Un an, peut-être. Ça fait déjà un petit bout, là. Et toi, t'aimes pas particulièrement ça, toi? Ben non, mais comme je suis ton subconscient et que tu décides de te rebeller contre moi, ça arrive que je te laisse des petites permissions comme ça de faire jouer ce qui te tente. Moi, je vais à l'encontre de ma conscience, genre, tout le temps. Ouais. Non, mais regarde, t'es un vrai rebelle, on s'entend? Ben, ça paraît en me regardant, t'sais. Ça s'appelle Soap Opera. Écoutons-la donc. La chanson sur les ondes de Sifu 89.1 FM. Thank you. is gonna tell me where the light is. Gold line's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. Take our hands out of control. Now tell me what you saw. Tell me what you saw. There was Slide. Vaccines avec Golden Scans de leur album Myths of the Near Future. Et au début du bloc, on avait entendu Soap Opera de Colette et suivi de Gold Lion de Yaya Yes. C'est comme ça, notre musique. On commence par les deux tranches, puis ensuite la viande. Oui. Vous êtes écoutant la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Mathieu Plante, animateur, barre oblique, méga vedette de C'est fou. Et je suis en compagnie toujours de ma subconscience ou ma conscience ou mon inconscience, mes consciences ensemble. Tout ce qui a le mot conscience dedans, rajouter un préfixe sub ou un à votre guise. Est-ce qu'il y en a d'autres? Préfixe à conscience. Préconscience, non. Non, pro-conscience. Pro-conscience. Conscience sociale. Ah, mais ça, tu vois, c'est pas un préfixe, c'est un suffixe. Ça suffixe? C'est un jeu de mots douteux, hein? Oui, ben, même mon inconscience comprend pas mes jeux de mots, je les trouve poches. Ah, mais tu vois, moi aussi, ça arrive que j'en fais, donc je te comprends et je te juge pas. Une chance. Parce que si toi-même, tu te jugeais... Ah, je me juge un peu des fois, là. Ouais. Bon, c'est pour une autre discussion. Mais c'est le genre de choses qui arrivent des fois. Mm. Des fois, on est en conflit avec soi-même. Mm-hmm. Des fois, on se rebelle contre soi-même. Ouais. Des fois, on décide de ne pas suivre la voix qui nous parle. Non, mais c'est vrai, c'est des choses qui arrivent. Ouais, des fois, on fait des achats, c'est qu'on peut pas se permettre des affaires comme ça, même si notre conscience nous dit que tu devrais pas l'acheter. Ouais, mais des fois, on se gâte quand même. Voilà. Et ensuite, on se dit, quel bon achat quand même, parce que j'ai tellement de plaisir à ça me rend tellement heureux, c'est ça. Il faut faire les choses qui nous rendent heureux, des fois. Oui, oui. Suivez nos conseils. Faites comme si nous sommes tous les deux votre conscience et vous à la maison. Faites-vous donc plaisir. Faites-vous plaisir. Bon. OK, on s'en va entendre du Fatboy Slim. Je sais pas trop quelle pièce mettre, honnêtement. J'aime tout ce qu'il y a là-dessus. Est-ce que écoute, j'ai pas de préférence, moi non plus. Je vais te dire au hasard la pièce 7. 7. Oui. Bon, ben voici Push and Shove tout de suite. Écoutons-la donc. La chanson sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Save us from that.

Surferino et Tokyo, puis Panic à Tokyo. En fait, je pense qu'on est entré en plein milieu d'une pièce. C'est vraiment mon pire mixage à vie, ce bloc-là. Hein. Mais écoute, même les plus parfaits font des erreurs. Ouais. Et disant cela, comme je suis une partie de toi, je... Tu ris de moi. Ben non, mais je prends une partie du blanc, mais en même temps... T'as pas réfléchi bien longtemps avant de faire le mixage. Non, ben écoute, j'étais trop distraite par la qualité de musique qui jouait. Par contre, ça c'est vrai. C'était un très bon bloc. Avant Surferino, il y avait Udon Placard avec... Ma vie est une cour à scrap. Hey, c'est-tu pas drôle, ça, avoir non. Une vie qui a une cour à scrap? Qu'est-ce que t'en penses, toi? La mienne n'est pas une cour à scrap. Présentement, elle est mucus. Ah! Je dirais. Ouais, mucus et néocitran. Néocitran, c'est juste... Yeah. Yeah. Yeah. Mais bon, ouais. C'est ça. C'est-tu toi qui m'as donné le rhume comme ça, ma conscience, qui pogne des rhumes comme ça, n'importe où? Ça se peut, ça. C'est des choses qui arrivent des fois. Les consciences enrhumées enrhument aussi le corps et la voix de la méga vedette que vous entendez. Animateur barolique méga vedette. Oui, excuse-moi d'avoir massacré ton titre. Pourtant, c'est toi qui me l'as donné. On l'a créé ensemble. On l'a créé ensemble, de toutes pièces. Oui. Au début du bloc, il y avait Klaxons avec Golden Scans de leur album Myths of the Near Future. Ah. On s'en va entendre une pièce musicale. Oui, on va aller entendre Priestess de leur album Hello Master. Je sais pas qu'est-ce que tu penserais de Lay Down. Lay Down? C'est d'accord. La 2, je pense. Oui, tout à fait. Merci. Wow. Pour ceux qui jouent à Guitar Hero, vous allez vous y retrouver. Ah ouais? Il y a Priestess à Guitar ouais. Hero. Me voilà surpris. Bon. Et on reviendra après. OK? OK. Écoutons-la donc. La chanson. Lay down, sleep my little darling. I'll be nothing when you're gone. Lay down, just Sorry, Band Girls Money, la pièce titre de leur album du même nom. C'est déjà la fin d'Hector Adam la chanson pour cette semaine, donc moi je vais retourner à mes mouchoirs et mon nez au citron. Hein? Ma conscience est déjà partie se coucher. Je pense qu'elle avait besoin d'une petite sieste de début de journée comme ça pour passer à travers le temps. Alors, on va se quitter avec une pièce de Stereophonics qui s'appelle Soldiers Make Good Targets. Alors que moi, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Je remercie ma conscience, évidemment, dans toute sa splendeur. On se retrouve donc lundi prochain à partir de 10h et on t'en rappelle les jeudis à partir de 9h. Je vous retrouve aussi dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Ça, c'est les vendredis à 10h et au Palmarès c'est fou les vendredis soirs à 17h. D'ici là, ben, faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance. Bye. Mon mucus aussi vous dit bye. Bon appétit aussi qui vous dit. Genre que vous vouliez pas entendre parler de ça. Mais bon. Dirty and vicious.